Le roi rêve, l'Égypte tremble. Personne ne peut t'interpréter. Et le souvenir enfin se réveille pour appeler le prisonnier oublié. Joseph sort du cachot au palais. En un instant, sa vie bascule. De la cendre à l'anneau royal, la sagesse devient son véhicule. Ce que tu prépares dans